Çiki. Ok. Tu veux que je te fasse du carnage? Vas-y, j'ai tout déblayé. Ça va faire du ménage. Ok, vas-y. Tu peux me trouver dans la Normandie ou au pire, dans les pires, tout au pire. Je m'inspire pour si peu qu'il reste. Expire, car dur de faire des prouesses. On se fait saler alors qu'à tout à ravaler. Déballer mon subconscient pour voir si t'es conscient. Beaucoup achètent mais t'es peu pige des sens. Ça s'appelle de l'inconscience. Puis ça s'explique pour passer à l'innocence. Moi je veux pas être dans le commercial. Même si pif mettrait dans cette vie sociale. Dans cette vie sociale où tout va mal. Ouais je suis public. Bien, je suis tout seul sous ce refrain. Levez la main pour Diggy. Je veux du contact. Tant pis si j'ai le trac. C'est ce que je voulais. Et puis voilà mon acte. Ouais, je suis public. Bien, je suis tout seul sous ce refrain. Levez la main pour Diggy. Je veux du contact. Tant pis si j'ai le trac. C'est ce que je voulais. Et puis voilà mon acte. Croyez me taise, moi je retombe pas ma veste. Je suis hardcore, donc serrez vos fesses. Moi j'agresse tous ceux qui me stressent. Trop de rappeurs, comme tu baisses facilement. Sont dans comme un sale et jacques gentiment. Rapidement coupé, toi puis en train d'écouter. Lui en train de te doubler avec le cabriolet. Allez on est reparti à l'ancienne, je te cravache. Si tu ne suis pas à la chaîne, que je t'affole. Et registre de mon école. Faut tu cogites dur sans boire une goutte d'alcool. Sans une goutte d'alcool. Ouais, je suis public. Bien, je suis tout seul sous ce refrain. Levez la main pour Diggy. Je veux du contact. Tant pis si j'ai le trac. C'est ce que je voulais. Et puis voilà mon acte. Ouais, je suis public. Bien, je suis tout seul sous ce refrain. Levez la main pour Diggy. Je veux du contact. Tant pis si j'ai le trac. C'est ce que je voulais. Et puis voilà mon acte. Ouais, je suis public. Bien, je suis tout seul sous ce refrain. Levez la main pour Diggy. Je veux du contact. Tant pis si j'ai le trac. C'est ce que je voulais, et puis voilà mon acte. Qu'est-ce que tu dis? Première opus de nos jours. Écoute ce son qui pète le contour. Qu'est-ce